dancing on the beat. Nos douleurs sont profondes, nos actes irréels. Moi je crois en son père à part celle qui m'a fait naître. J'ai vu le quartier se vider, des frères aller en tôle. J'ai vu nos darons trimer, nos mères frotter le sol. J'ai créé mon équipe à quatre sur le terrain. Nos textes sont explosifs, mon reste des terriens. J'ai rencontré le diable dans ses bras, je me suis percé. Je m'en suis remis à Dieu pour m'amener jusqu'à Percy. J'ai écrit des textes, j'ai perdu des proches. J'ai lâché des thunes quand j'avais plus rien dans les poches. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai survécu à la rue. Et tous ces chalots n'imaginent pas tout mon fucking vécu. Internat, les tracas, le daron, les haglas, les redbas, les problèmes qui s'arrêtent pas. La daronne a souffert, les profs la convoquent. Moi j'aimerais ma mère jusqu'à qu'un de ces bâtards me fuck. J'ai grandi, j'ai vu l'LB partir en son prix. Je compte plus tous les prières que je leur ai dédiées. J'ai fait mon place entre les halls et les ondis. J'ai gardé mes codes, j'aime Sofiane comme pas permis. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux du frère. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux de frais. Dur d'aimer, mon sentiment meurtri enchaîné. Ne mets jamais l'amour pour mes sœurs à l'imparfait. En bruit partial, le quotidien pousse à la réflexion. Et quand j'écris ces Molières, les poètes en sont conscients. Des petits grandissent, je les vois dominer Tchekar. Je prie Dieu pour qu'on les retrouve pas morts. Un de ces quatre, la C4, la BRI, les CRS, les feux que tous rêvent de s'envoler grâce à la française des jeux. De l'amour, des sentiments, que Dieu me guide si j'en suis digne. J'ai lâché les plans meuf, il est temps que je rentre dans le jean. 21 piges, j'ai vécu, j'ai aimé la haisse. J'insulte en oubliant que mon père était un hège. J'ai créé un monstre, détesté par la plupart. Combien me juge sans connaître et me kiffe dès le départ. Ma vie un tsunami, mais j'ai le cœur sur la main. J'ai jamais fait de sale coup et que Larry en soit témoin. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux de frais. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux de frais. Des pleurs, des cris, blessures meurtries. Je tombe, je plie, me rassure quand je prie. Je n'ai qu'une seule vie, je pleure, j'écris. Je sombre, je brille, me rassure quand je prie. Mes vrais frères, au bout du rouleau. J'ai de la peine, de la haine dans mes mots. Quoi que je fasse, le passé me rattrape. Je guérirai jamais, mes souffrances sont intactes. Des pleurs, des cris, blessures meurtries. Je tombe, je plie, me rassure quand je prie. Je n'ai qu'une seule vie, je pleure, j'écris. Je sombre, je prie, me rassure quand je prie. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux de frais. Pourquoi me juge-t-il quand j'ai tant souffert? Je préserve mes proches car j'ai peur de tout perdre. J'ai donné ma vie, j'ai vécu l'enfer. Quand Noël s'envole derrière les barreaux de frais.